Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à notre rendez-vous hebdomadaire de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, de FM 89.1 à Trois-Rivières. Et mon nom est Jimmy Farley et je vais vous accompagner pour les deux prochaines heures durant lesquelles on va entendre le groupe français Silk. Ensuite, ce sera Sunchild d'Ukraine, Riverside de Pologne, Verbal Delirium de Grèce, London Underground d'Italie, James Rosas du Chili, Lighthouse Sparrows de Finlande, on aura aussi Sylvium des Pays-Bas et on va conclure avec Banco del Mutuo Soccorso d'Italie. Alors, pour débuter cette émission, je vous propose trois extraits supplémentaires tirés du nouvel album du groupe français Silk. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, on en a entendu d'autres extraits. L'album, c'est E minor et c'est paru l'automne dernier. Cet album-là, c'est leur troisième depuis 2012. Ensuite, je fais un retour en 2018 avec un extrait de l'album Messages from Afar, The Division and Illusion of Time du groupe ukrainien Sunchild. C'est le septième de huit albums de ce groupe qui, je le rappelle, gravite autour d'Anthony Kalugin, le leader de Carfagen. Alors, on y va tout de suite avec Silk. Hello! Je suis Richard Pic du groupe français Silk et vous écoutez Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou sur FM 89.1 à Trois-Rivières. Thank you. of my beating heart, of a stream in my veins that flows to the ocean. Pearls are dripping upon my face. Silence is a mist, softening my breath. where have you been? With white ashes in your hands. Are you in a no man's land? Where have you been? Where have you been? Where have you come? You left by the back door. The same one you entered before. When you were young. When you were young. Fallen from grace into the shade of your golden hair. Two black holes in the sky. Where have you been? Just tell me why. From where you're standing, can you see Emily playing? Pocket full of stones, halfway from home. Where has she êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que le bloc précédent s'était terminé sur une pièce de l'album Messages from Afar, The Division and Illusion of Time du groupe ukrainien Sunchild. Pour débuter ce deuxième segment, on va du côté de la Pologne avec Riverside et un extrait de la compilation Riverside 20, The Shorts and the Longs. Ça, c'est paru en 2021. Et je vous rappelle aussi que Riverside vient de faire paraître un album CD double qu'on aura le plaisir d'entendre la semaine prochaine. Alors pour terminer, on va y aller avec le groupe grec Verbal Delirium et trois extraits de leur plus récent album Conundrum. Ça s'est paru en fin d'année 2022. Alors on y va avec Riverside. Thank you. enough to be wrong. I do things you never thought about. Sometimes it feels like the only way is the wrong way. Sometimes we have to do wrong. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors pour ce troisième segment de l'émission d'aujourd'hui, bien, on aura beaucoup de variétés avec quatre groupes d'horizons musicaux et géographiques différents. Alors on aura London Underground d'Italie, Jamie Rosas du Chili, Lighthouse Sparrows de Finlande, pour conclure avec Sylvium des Pays-Bas. Alors, il va tout de suite avec London Underground d'Italie et la pièce Beautiful Child tirée de l'album Through a Glass Darkly, paru en 2003. I got my Yes, no. Feel like cold. This let go and follow the crowd. By its nature, change is uncertainty. Still waters of no risk lure me in. Mutations big and small take their toll. We can only rise or fall. Alteration, the only constant in this game. Warm as feel like a Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour ce quatrième et dernier bloc de l'émission, eh bien, je reviens après avoir fait deux émissions spéciales sur la rétrospective de 2022, mais je reviens à la formule habituelle qui consiste à diffuser la face complète d'un album considéré comme un classique du rock progressif. Et cette semaine, bien, j'ai choisi un album enregistré en spectacle. C'est Banco del Mutuo Socorso qui se sont produits à Mexico City en 1999. Alors, je constate que c'est un album live qui est super bien produit et ce qui mérite, à mon avis, d'être diffusé. Alors, on y va avec Banco del Mutuo Socorso. Thank you. Sofilo. We'll be right back. Odore di bestie e arma di preda. Nient'altro vede il mio sguardo pro se curva è la mia schiena. Potessi drizzare il collo oltre il fronde e tener ritto il corpo opposto al vento. Sto per un momento l'orrore introna per la volta tutta fino ai vulcani stare poi presto a guardare e bevono i miei occhi voli salvi le mie foreste. All'entusiasmo cresciuto per strada, quasi un dovere giocarsi tutto in un colpo solo. E mi sentivo tanto geniale, come un'idea che non puoi fermare. E mi viene a pensare a quante volte ho scritto canzoni con la mano piena di rabbia e di convinzioni. E l'impossibile era normale, come un'idea che non puoi fermare. E mi viene da pensare a questo vento di primavera, fiore selvaggio che cresce fra i sassi è come un'idea che non puoi fermare, che non puoi cambiare. Forse un'idea che nasce mai, forse un'idea che cresce mai, ma la primavera è inesorabile. Questo vento di primavera, fiore selvaggio che cresce fra i sassi, è come un'idea che non puoi fermare, che non puoi cambiare. Forse è soltanto un'idea che nasce mai, forse è un'idea che cresce male, ma la primavera è inesorabile. C'était le groupe italien Banco del Mutuo Soccorso et quelques extraits là, d'un enregistrement en spectacle qui est tenu à Mexico City en 1999.